rentre dans le club, all eyes on me. Calibré en cas d'ennui. Tu poses 5000, on pose 10 000. Grosse folle, fais pas la timide. T'aimes la monnaie, monnaie, monnaie. Viens par là, y'a de quoi michetonner. Ton mec tout claqué, on le connaît. Il est pas prêt, pas prêt, pas prêt. Monte sur la banquette, renverse les bouteilles. Mais ce soir qui va gagner. Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez. Vas-y, bouge-moi ça. Vas-y, bouge-moi ça. Vas-y, bouge-moi ça. Vas-y, bouge-moi ça. J'suis dans la boîte en bazar. J'ai le tapé ce soir pour vous foutre les bazars. C'est la guerre comme à Gaza. Toi, avant de venir taper tous les magasins. Une équipe d'assassins. Et comme c'est gratuit, j'utilise pas ma sassin. T'envoies des bouteilles, bon je renvoie l'ascenseur. On fait la malin, mais on est malin. Toi tu l'inhales, après t'es malin. Là c'est le sala, espèce de salope. Quand il faut hala, eh ben t'es pas là. On fait la malin, mais on est malin. Toi tu l'inhales, après t'es malade. Là c'est le sala, c'est espèce de salope. Quand il faut hala, eh ben t'es pas là. Allez, allez. Coup d'envoi de la maison. Allez, allez. Mais ce soir qui va gagner. Allez, allez. Coup d'envoi de la maison. Mais ce soir qui va gagner. Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez. Vas-y, bouge-moi ça. Vas-y, bouge-moi ça. Vas-y, bouge-moi ça. Vas-y, bouge-moi ça. Dès le début du débat, cette salope, elle me dit, elle sent la douille. Elle a vu la bleu talo, couteau la remballe, y'a rien à t'égant. Cette salope, j'ai voulu la baiser, au final, elle sent la douille. Elle pue grave la défaite, continue de faire la fête. Y'a rien à tes grades, tu sais qu'on peut t'ouvrir la tête. Un coup de bouteille pourrait gâcher la fête. Le côté en tête à tête. Elle frotte, elle a senti la fête. Tu sais qu'on peut t'ouvrir la tête. Coup de bouteille pour gâcher la fête. Sur le côté en tête à tête. Elle frotte, elle a senti la fête. Allez.